C'est fou. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante et Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. Plus tard, l'émission cette semaine, en fait, c'est très très chargé. On a plein de choses pour vous, entre autres. Un instant classique, c'était fou. Pam, rest in peace, ailleurs dans les palmarès. Tout ça pendant les trois prochaines heures. On va aussi savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours du côté francophone Montréal Carnivore avec Ton cheval est mort. Et en anglo, la semaine passée, c'était Marc Bérubé et Confession to a Streetlight. Tout ça d'ici 3 heures. Mais pour l'instant, on va commencer avec les nouvelles entrées. Plus tard, on aura Simon Kearney, Julian The Fields, Sexy Mathematics et Haim. On va commencer en 20e place anglophone. Voici Grenadine. Et bonjour, tristesse. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas de celles qui reviennent. Je ne suis pas issue d'un de tes mirages. J'y ai appris, je regrette. Mais moi quand je reste, j'y pense à deux fois. Car on peut se défaire et s'enfuir. Du bout des doigts. Je ne suis pas de celles qui fauchent du regard. En moins d'une seconde, il est trop tard. J'y ai appris, je répète. Mais quand je délaisse, j'y pense à deux fois. Car ce qui nous blesse nous tombe parfois là. It felt know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I took a bag, but I fumbled and I wanted to came down to the wire. It felt bad. It felt right. Oh, but I fumbled and I wanted to came down to the wire. It felt bad. It felt right. Oh, but I fumbled and I wanted to came down to the wire. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. How good was that? Comment bon était-ce? Et la question que je me demande, c'était vraiment excellent. Haim et The Wire. Sur l'album Days Are Gone, c'est une suggestion d'Alexandra Carignan, ancienne co-animatrice des Palmarès C'est Fou et maintenant chroniqueuse culturelle à l'émission Assemblage Requis le matin. Le nom de l'émission est pas Assemblage Requis le matin, ce serait bizarre. Donc, les mardis à 9h. Alexandra Carignan, on te salue et on te félicite pour ce merveilleux choix. Juste avant, c'était aussi très très bon. Grenadine avec Bonjour Tristesse. C'était en 20e place francophone. On enchaîne avec les prochaines nouvelles entrées. Il nous en reste 3, donc on va les écouter une après l'autre. Plus tard, il y aura June in the Fields et Sexy Mathematics. S'il y a quelque chose qui m'attire, c'est bien des mathématiques sexy. Mais on débute en 19e place avec la dernière nouvelle entrée francophone. C'est Simon Kearney, deuxième entrée de son album, dans son maxi, en fait, qui porte aussi son nom, Simon Kearney. Voici Chemin en gravelle. Au Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Oh oui! T'as pas fait franco, t'as pas fait anglo, toi? Pas pire quand même. Pas cher, non? 40 chansons. On les joue pas toutes, par exemple. M'en va nous construire une maison, attends-moi, ce sera pas long. Autour de moi, les gens se fuient, moi la morale, je l'ai pas comprise. Je patine sur des chemins en gravelle, on m'a dit que t'es tombé du ciel. Réchauffe, j'oublie la peur, le Big Bang dans pompe moteur. Les années dans le sablier, c'est avec toi que je veux couler. Oh, je patine sur des chemins en gravelle. On m'a dit que t'es tombé.

crazy world. One with a rhythm, the rhythm of the earth. One with a rhythm. Feels good to be back in the country, where sunflowers are growing free. Blue jays hummingbird and windows of light. Such a feeling, the sky open wide. From this crazy world, one with a rhythm, the rhythm of the earth. Far, far, far from this crazy world. Breakfast in the fields, in the morning light, the September breeze makes us so alive. Breakfast in the fields, in the morning light, oh, oh, oh. The September breeze makes it so alive. Be back in the country. It seems that everything is easy. Birds are singing at the break of dawn. Maybe I should live on a farm. Dude in the Fields et Back in the Country, nouvelle entrée en 18e position anglophone, oui, sur leur album du même nom, Dude in the Fields. Avant de sauter par-dessus Audrey Emery et La couleur des jours, qui est stable, on a entendu les deux autres nouvelles entrées en 19e place. En anglo, c'est Sexy Mathematics et The New Illusion. Et au tout début du bloc, Simon Kearney avec Chemin en gravel. C'est le deuxième extrait de son maxi, Simon Kearney EP. Maintenant, on a entendu nos 5 nouvelles entrées, ce qui veut dire qu'on doit dire au revoir à 5 pièces qui nous ont quittés, leur faire une petite, comment dire, eulogie. Hein. Voici Palmer Rest in Peace. Mountains of change. What's gonna happen to you? You have woke up too soon, and the world is rearranged. And now your feelings have changed. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis la précédente édition. Quand t'arrives dans ma vie, comme un manège étourdi, le vampire. Dans ma vie, t'arrives toujours avant que je tombe de haut. Je pars au combat contre la nausée. La vie est un combat et j'en ai la coiffe en plume. Je pars au combat, je pars au combat, je pars au combat. La vie est un combat. Je pars au combat contre la nausée. La vie est un combat et j'en ai les yeux cernés. Je pars au combat, je pars au combat, je pars au combat. La vie est un combat. Myself, there's nothing you can say to me. You never held it at the right angle. You never held it at the right angle. You have woke up too C'était les extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 20 au 26 janvier 2014. Allons-y dans l'ordre de ce qu'on a entendu. En premier, c'était David Marais avec Le Vent Vire qui a duré 8 semaines. Ensuite, Guillaume Arsenault et Je pars au combat, 8 semaines. Luscious et Turn It Around avec 6 semaines. Baja Bulat et Tall Tall Shadow avec 7 semaines. Et finalement, Nico Case et Night Still Comes qui a duré 8 semaines. Maintenant, je vais faire quelque chose que je fais pas. En fait, on l'a jamais fait. Même ça fait quand même un bout qu'on fait Palmer Rest in Peace. J'ai envie de dire officiellement au revoir à une de ces pièces-là. En la faisant jouer. Hein? C'est pas beau ça. C'est comme Colin, c'est une logie, tu sais. Puis là, après ça, on écoute la pièce au complet pour vraiment, tu sais, faire un repose en paix. J'aurais bien choisi en deuxième place Nico Case avec Night Still Comes, mais mon numéro 1 de ces 5 pièces-là qui nous ont quittés, c'est clairement Luscious. Voici Turn It Around. Oh,

over. You can see a new light shining over. Listen to me, let me be named Soweto. Soweto de Jobin, position numéro 17 anglophone, se descend de la 6e place sur l'album The New Religion Project. Avant ça, c'était les frères Goyette et Morning Man qui est stable. Ça fait 7 semaines que c'est là et c'est sur l'album Fidèle, Tenace et Frère. Moi, Soweto, ça fait longtemps qu'on l'entend, on l'a dit. En fait, je pense que je l'ai pas dit, mais ça fait 8 semaines qu'elle est là et j'étais curieux. Tu sais, être seul des fois en studio, ben ça fait que t'as du temps à aller sur Internet. Donc, Soweto, qui est une banlieue noire, donc où les gens noirs habitent. C'est une ville qui a été spécifiquement créée pour accueillir les gens noirs. En Afrique du Sud, c'est situé à 15 km au sud-ouest de Johannesburg, dans la province de Gauteng. Et là, désolé pour les prononciations, mais l'article sur Wikipédia est vraiment intéressant. Et le gars, Jobin, chante dans sa chanson que ça le rend triste de passer à Soweto. Ça donne envie de fumer des cigarettes. Ouais. Alors, donc voilà pour ce bloc-là des 17e places. On va aller au 16e maintenant, tiens, du côté anglophone. Plus tard, il y aura Dear Criminals, nouvelle entrée de la semaine passée, c'est Lover's Suicide, mais tout de suite, voici Utek, stable, avec ligne ouverte au Palmarès C'est Fou. Encore

On va entendre Ballader Badder et Life Like This, oui, qui monte de 4 places en 15e position anglophone. Avant ça, on a sauté par-dessus Brady Cardi à Caravan, qui descend de 4. Avant ça, Dear Criminals, nouvelle entrée de la semaine passée, Lover Suicide, qui monte de 4. Et au tout début du bloc, c'était Utek. Il y a une ligne ouverte qui est stable sur leur album homonyme Utek. Maintenant, on va sauter par-dessus la 14e position francophone avec Onfi, avec ton sac de natation qu'il a quand même depuis 7 semaines, pour aller juste entendre Trent Moller avec Gravity, qui est stable en 14e anglo. Mais une nouvelle depuis 3 semaines à peu près, donc toute neuve, on se gâte avec cette pièce-là. La voici et on revient juste après. Ouais, simple comme ça. Une pièce, un bloc d'une pièce, tu sais. Je vais pas parler de l'émission. Je vais revenir après, juste là. Yeah. Trentem Moller et Gravity, stable en 14e position anglophone sur l'album Lost. On sort par-dessus plein de choses, les 13, 12 et 11 de chaque côté. En anglophone, Radical Face est en 13e avec Holy Branches. En 12e, c'est About et Built It. Et Statue Park est en 11e avec 1983. Les deux dernières sont là depuis seulement la semaine passée. On va les entendre, elles sont en priorité si jamais on a du temps, ce qui risque d'arriver d'ici la fin de l'émission. En francophone, la 13e place, c'est stable, Mafia Douce de Pendentif. En 12e, ça descend de 2 à Du Mécha de Jacques Maher. Et en 11e, ça descend de la 6e, c'est Mimi Van Der Glow et Plus Je Crie. Encore une fois, on risque d'avoir du temps pour la plupart de ces choses-là dans le reste de l'émission. À venir, c'est la deuxième heure avec les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique ainsi que les positions 10 à 6 au Palmarès Fou. Restez avec nous. C'est la deuxième heure des Palmarès Fou pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis a congé cette semaine. Elle va de retour la semaine prochaine. On entre dans la deuxième portion qui comprend les meilleurs moments que le meilleur d'assemblage requis. On appelle ça un instant classique. Ça s'en vient dans deux blocs, comme on appelle. C'est comme dans... Tu sais, quand j'étais jeune, je disais dans deux passe-partout. Ici, c'est dans deux blocs de musique. Alors, on va commencer par les 10e places. En anglophone, c'est Royal Canoe qui va monter d'une place avec Birthday, mais on va débuter elle là avec une pièce qui descend malheureusement de 5 positions. Elle est là depuis 7 semaines. C'est le corps est lourd, on a créé un monstre et ça commence maintenant. Le corps est plutôt raide et la gravité affamée. Il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids. Le vide a tout son temps et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Quand le vent te pousse à contre-courant, le glissement de tes pas comme un balai sur un tambour. Les yeux vers le bas, tu hallucines subitement. Tu l'élites là-haut, au-dessus des moyens de tes affaires. Tu sais si bien le faire. Tu sais si bien le faire. Ce corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Ce corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Quand le vent te pousse à contre-courant. show, oh, show. Where you go when you're closing your eyes on your birthday? It only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. It's gonna happen without you. It's not about you. It's gonna happen without you. It's not about you. If you call it too soon, you got a bold show, bold show, bold show, bold show. Where you go when you're closing your eyes on your birthday? It only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. Don't you know it's a never, never, never, never, never the bone. But if you call it too soon, you got a bold show, bold show, bold show, bold show. Where you go when you're closing your eyes on your birthday? It only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. La formation canadienne Royal Canoe et Birthday qui monte d'une place en 10e position anglophone. Avant ça, c'était On a créé un monstre qui descend de 5 avec Le corps et l'eau sur leur album La Dérive. Ça va très bien pour le top 10. Colin, ça commence en force. Et on va continuer avec les 9e places du côté anglo. C'est Dr. Dog et Love qui montent seulement d'une, mais qui est là depuis seulement 3 semaines. Donc, on faut lui laisser le temps un petit peu. Même chose, par contre, mais pas exactement pareil. Elle a quasiment franchi la moitié. C'est pas marrant. Sinon plus, tu vois, je regarde même pas mes feuilles. Je dis des affaires comme ça, puis ça se tient même pas. Mardi Noir a vraiment fait plus que la moitié du palmarès comme bon. On les écoute avec Cœur de ciment qui passe de la 20e à la 9e place, montée de 11. Tout de suite sur les palmarès, c'est fou. Aucun sens, ça vient, non? Regardons ce que tu dis, man. Compte tes affaires avant de dire ça, non? Hey! Tu vois, je me parle à moi de ça quand je suis seul. C'est ce que je fais. Mais ça prouve l'intelligence qu'ils disent. Hein? Es-tu convaincu, Mathieu Plante? Oui.

atmosphère, tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie lentement, montant à la surface, plongeons par plongeons. Je sens dans mon lit. The Darcy's et Muzzle Blast montent d'une place en 8e position anglophone. Leur album s'appelle Warring, alors qu'en francophone, on a entendu David et les Bois et Scaphandre qui montent de 6. Tu finis? T'as fini? Non. Là, Darcy, là, come on. Donc, toujours au palmarès, c'est fou. C'était un bon petit bloc, ça, de 8e place. On est rendu au 7e. Plus tard dans l'émission, on aura C'était fou. On va retourner dans le passé un petit peu. Et on fera aussi ailleurs dans les palmarès. Ça va être pas mal bon. Et deux autres segments plus tard. Mais avant ça, en 7e place, du côté anglo, c'est The Pack 80 avec Big Shot qui monte de seulement une position. Et en francophone, on va débuter avec une pièce qui était une nouvelle entrée la semaine passée. C'est Chérie, je jappe par Massicotte. Ça passe directement de la 19e à la 7e comme un bonbon. Un bonbon pour Massicotte. Hein? Ce serait le bonhomme carnaval, je serais content d'entendre ça, une mascotte, hein? Une mascotte? Mascotte? Non, pas très drôle. Pas grave. J'appelle fort pour toi. C'était la position numéro 7 anglophone, Big Shot de The Pack 80. Avant ça, en francophone, c'était Massicotte et Chérie, Je Jappe, qui montent de la 19e, qui était la semaine passée. Oui, avant de passer aux 6e place, c'est le moment de retourner dans le passé. Voici C'était fou. C'était fou, c'est la chronique dans l'émission où on retourne un petit peu dans le passé et là on recule jusqu'en 2009, la semaine du 23 au 29 janvier. On va entendre Ruby Coast, une formation qui est passée vraiment juste sur le bord d'être connue, c'est dans le sens que ça a fait un petit passage vraiment pas très remarqué. Donc Ruby Coast avec More Than Television, moi je l'ai adoré cette pièce-là sur l'album Projectable Collections. À la toute fin du bloc, une pièce bonus de Valès Pariétaire, ceux qui ont composé la chanson thème d'Assemblage requis, mais on va débuter avec la position numéro 1 francophone pour cette semaine du 23 janvier 2009. Voici Ariel et chargé. like it's tall. trois pièces que j'ai préférées dans le palmarès de la semaine du 23 au 29 janvier 2009. On vient entendre Vals Pariétaire. Ah, c'est tellement incroyablement bon. La pièce L'après-guerre sur leur album, Vals Pariétaire. Évidemment, eux qui fabriquent les chansons-thèmes, les entre-pièces, les fonds de ci puis de ça, d'assemblage requis, tout est pas mal, à part les chroniques du Vals Pariétaire. Avant ça, c'était les numéros 1 de cette semaine-là, en janvier 2009, en anglophone, Ruby Coast et More Than Television, sur l'album Projectable Collections. Vraiment, j'adore Ruby Coast, c'est la seule pièce qu'on a eu deux sur le palmarès. Ben, si vous aimez le genre de Ruby Coast, la pièce du milieu, là, vous allez adorer Tokyo Police Club, Rara Riot et Winter Gloves. Ils jouent beaucoup ensemble en spectacle, donc c'est des groupes qui se ressemblent énormément et que j'adore incroyablement beaucoup. J'utilise les mêmes adjectifs parce que je suis pas très original dans mes adjectifs. Numéro 1 francophone, c'est Ariel, qu'on a entendu avec Chargé. Leur album s'appelle aussi Ariel, une autre de mes formations préférées dans le domaine du francophone. Ailleurs, dans cette même semaine de janvier 2009, on retrouvait Caïman Fou, Bonjour Brumaire, Bande de Garage, avec podcast, que ce soit en francophone, en anglophone, Los Campesinos, The Stills, et puis Block Party. Voilà, Beast était là aussi. C'était la semaine du 23 au 29 janvier 2009. Voilà pour C'était Fou, où on retourne dans le passé. Maintenant, revenons dans le présent un petit peu. Il nous reste seulement les 6e places à entendre avant d'entrer dans le top 5. En anglo, Sebastian Granger et Going With You qui descend de 4 places, mais tout de suite, voici Rouge Pompier et c'est le position numéro 15, Dédompter ton chien. C'est les Palmarès C'est Fou au 89 FM. Dédompter ton chien. Dédompter, j'ai dédompté ton chien. Il montait sur le divan, mangeait de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. J'ai de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est Fou. We won't say goodbye to anyone already. Sebastian Granger, Going With You, descend de la deuxième, maintenant sixième place anglophone, donc moins 4. Et du côté franco, la très courte pièce de Rouge Pompier, Dédompter ton chien, qui monte de la 15e sur l'album Kevin Bacon. C'est tout pour cette portion top 10 des Palmarès C'est Fou. On se retrouve dans quelques instants pour la portion top 5. On va savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéro 1 sont toujours Montréal Carnivore avec Ton Cheval est mort et Mark Burroway avec Confession to a Streetlight. C'est au retour au Palmarès C'est Fou. Restez là. Vous êtes toujours au Palmarès C'est Fou et c'est la portion top 5 pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis est en congé aujourd'hui, mais va être de retour la semaine prochaine. Faudrait pas s'en faire avec ça. On va commencer avec les 5e places. Le temps de vous dire que d'ici la fin de l'émission, vous allez savoir enfin si Montréal Carnivore et Mark Burroughby sont toujours au sommet. Je sais que tout le monde se le demande. Je reçois des messages textes sur la ligne Hotline Red Batman. Téléphone rouge avec le commissaire Gordon, etc. Donc, on va commencer avec les 5e places du côté anglo. C'est Lederhosen, Lucille et Krista Muir avec Chicken and Clark qui montent de 2 places. Mais avant ça, voici Montréal Carnivore, Ton Cheval est mort. Oh, mais je viens juste de dire ça. Ça veut dire qu'on n'a pas le même numéro 1 francophone. Incrédible. C'est pas mal, c'est fou. C'est juste pas crédible au 89 FM. Ton cheval est mort. Tu n'as plus monture. Ton

Now the sun is spitting shadows as it pours through the blinds, and the room is suddenly a shade of gold. I can see your face lie on its side, a strand of hair across your eye, a flower in the early morning glow. C'est Mark Brubay, Confession to a Streetlight, position numéro 4, l'ancienne première place anglophone. Avançant francophone, c'était Clo Pelgag et Rayon X qui a monté de 4 places. Avant de passer au troisième, c'est-à-dire Jimmy Hunt et The Civil Wars, c'est ailleurs dans les palmarès, et comme j'ai pas envie de chanter tout seul, je vais ramener Stéphanie juste pour ça. Ailleurs dans les palmarès. Bon, tu vois, juste pour ça, ça valait la peine. Donc, c'est ailleurs dans les palmarès. On regarde un petit peu ce qui se passe, comme le dit le titre, ailleurs dans les palmarès. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ben, les palmarès, c'est fou. C'est plus qu'un top 20 francophone, un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud, un top 5 musique du monde. Dans le top 30 des albums, deux nouvelles entrées. En 20e place, Haim avec Days Are Gone. Et en 19e, Sexy Mathematics avec Electronics. On les retrouve en même position dans le palmarès anglophone. Dans le top 3 maintenant. Troisième position, c'est The Civil Wars et Bare Bones EP qui montent d'une place. En deuxième, Set the Well et Hawaii qui montent de 3, mais qui est là depuis 22 semaines. Et là, on parle de semaines de palmarès. Là, ça remonte à il y a un maudit bout. Et en première place, Cowpuncher qui monte de 2 avec Ghost Notes. Dans le top 3 des disques canadiens, l'ancien numéro 1 maintenant en troisième place, Mark Berube et Russian Dolls. En deuxième, ça monte de 3, Set the Well et Hawaii. Et en première place, c'est Cowpuncher avec Ghost Notes qui monte de 2. Dans le top 10 loud maintenant, une seule nouvelle entrée en quatrième place, Hellraiser avec Operation Overlord. En troisième, c'est stable. En fait, le reste est stable. Troisième place, EPK avec Retrospect. Deuxième, Hell avec Curse and Chapter. Et en première, c'est The Devin Townsend Project et The Retinal Circus. Dans le top 5 des musiques du monde maintenant, une seule nouvelle entrée. En cinquième place, Janice Plus avec Camionnette. Ça, c'est la pièce de l'album Pierre aux couleurs. En quatrième, la pièce Track 3 de Maz sur l'album Chasse Galerie. En troisième, lancé numéro 1, Bonbons d'étoiles de Nathalie Natiembe. En deuxième, ça monte de 2, Eva avec Angélique Kidjo featuring Asa, qui est l'artiste. Oui, je le dis à l'envers un peu. Et en première place, ça monte de 1, Ibrahim Mahalouf avec Nomad Slang, la pièce. Voilà. Comme on le fait toujours dans la chronique Ailleurs dans les palmarès, on va aller entendre un de ces extraits-là. Et comme on aime particulièrement David Ferron et Brancher le Monde, les dimanches à 17h, on va aller entendre la nouvelle entrée de Janice Plus, qu'il a reçue en entrevue récemment à son émission Brancher le Monde. En fait, je crois que c'était non plutôt à La Vie en Mauve. Voilà. L'émission culturelle qui vient de se terminer, malheureusement. Bref, je dis les informations correctement, sauf que c'est plus en onde, fait que je fais pas de plug. on écoute Janice Plus avec Camionnette tout de suite au 89 FM, c'est Ailleurs dans les palmarès. C'était Janice Plus et Camionnette sur son album Pierre aux couleurs. C'est en cinquième place, nouvelle entrée dans le palmarès musique du monde, que vous pouvez entendre évidemment à Brancher le Monde avec David Ferron les dimanches soirs entre 17h et 19h. Soyez à l'écoute. On le salue, David. Ciao, bye. On aime bien. Oh wow, comme on dit. Voilà pour Ailleurs dans les palmarès. On retourne à nos standards palmarès réguliers. En passant, je n'espère plus que déjà été dans le palmarès régulier avec des musiques un petit peu plus pop que ça. Ça, c'est très, très musique du monde, mais c'est le fun de quelqu'un, un artiste comme ça qui se promène dans plusieurs styles. On est rendu au troisième place. Du côté anglophone, c'est The Civil Wars qui monte de une avec I Had Me a Girl. Mais avant ça, voici Jimmy Hunt qui monte aussi de une. C'est Rêvé souvent. Au palmarès, c'est fou. 89 FM. praying. I saw heaven every day. And all she could. Ça doit donner mal à la tête, gueuler comme ça. Bon. The Civil War, c'est I Had Me A Girl qui monte d'une place en troisième anglophone. Avant ça, c'était Jimmy Hunt et Rêver Souvent qui monte aussi d'une place. On est rendu aux deuxième position. Oui, on avance. On est presque arrivé au sommet. Vous allez voir, on va pouvoir retourner en arrière tantôt, entendre des choses qu'on a sautées en début d'émission. Ça va être excellent. Donc, en deuxième place anglophone, c'est Said The Well et Willows qui montent de trois places. Avant ça, Ariel qu'on a entendu tout à l'heure dans le bloc C'était Fou avec une vieille pièce de 2009. Là, ils sont de retour avec quelque chose de nouveau. Ça fait seulement trois semaines que c'est là. Ça monte de une place. C'est presque rendu au sommet. Ariel, vice étrange au panorama, c'est fou. 89.1 FM. De dépressant en stimulant. Dum, dum, bon, dum, dum, dum. Donnez-moi de quoi toffer la run. De dépressant en stimulant. Dum, dum, bon, dum, fun, fun. Que de choix, oh joie. Cacher ce code. À l'autre des saisons, le paiement. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 2 C'est fou, vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. Still I feel feel like it's a risk. Telling ourselves that this will be forever. Sotheby's et Willows. Ça monte de trois places en deuxième position anglophone. Ariel était du côté franco avec Vice étrange. Ça monte d'une place sur l'album Fauve. Il nous reste seulement les numéros 1. Vous le savez, numéro 1 veut dire jeu de mots poche. Et jeu de mots poche veut dire d'habitude d'avoir quelqu'un à qui les dire. Un petit peu pour réagir, tu sais. Et là, je pense que s'il était là, elle me dirait que ça se voit dans mes yeux que je suis mal à l'aise à faire des jeux de mots seul et de pas avoir le public pour les rire. Parce que mes jeux de mots sont comme, je dirais, une grenade, mettons, que tu dois attraper, OK? Et ensuite, comme une patate chaude, tu dois la relancer à quelque part ailleurs pour que ça explose de rire. C'est mes jeux de mots, une grenade. Hein? Ouais, j'avoue que c'est peut-être pas super beau comme blague. Peut-être que vous n'allez pas tomber en amour avec moi. Mais du moins, vous allez pouvoir peut-être vous présenter à mon mariage, mettons, comme une femme d'honneur, vous savez? Hein? Ou encore, une fois rendu au divorce, la copine d'une maudite vache. Hein? C'était mon jeu de mots pour Cowpuncher. Jeu de mots ou lien dépendant, parce que j'avoue que c'est pas vraiment des jeux de mots tout ça. C'est pas grave, tu sais. Mais la différence entre un jeu de mots et un lien, c'est comme la différence entre un fantôme et un humain. Il y en a juste, tu sais, l'autre existe quand même. Ça existe pas, les fantômes, j'avoue. Ghost Note, c'est le nom de l'album. Je vais les expliquer parce que d'habitude, c'est Stéphanie qui explique tout, puis tu sais, ça a bien plus de sens quand c'est elle qui compose avec mes jeux de mots, si on veut, pour les expliquer. Donc, j'y vais avec ça. Mono Grenade est en francophone. Mono Grenade, comme c'est une grenade. Tes yeux, tu sais. Et l'album s'appelle Composite. Elle a composé avec ça. En anglophone, Cowpuncher, frappeur de vache. Bridesmaids et la pièce, comme une femme d'honneur. Et Ghost Note, c'était le nom de l'album, tu sais. Ça aurait été pas mal mieux si ça avait été Stéphanie qui l'avait dit. Donc, on écoute ça, le bloc des premières places, et on revient après ça en revenant un petit peu en arrière avec ce qu'on a sauté plus tôt. Bon, pour l'instant, Mono Grenade, tes yeux. Sur C'est fou, ben c'est les palmarès, c'est fou. I'm not afraid to die. première position. De chaque côté. En anglophone, on vient d'entendre Car Puncher et Bridesmaids qui montent de deux places sur l'album Ghost Notes. Avant ça, en francophone, c'était Monogrenade avec Tes yeux qui montent d'une place sur l'album Composite. C'est presque la fin de l'émission, mais il nous reste encore un petit peu de temps. Il nous reste encore quoi, une dizaine de minutes pour entendre quelques pièces qu'on a sautées précédemment dans l'émission. Et les pièces les plus jeunes sont celles qu'on a sautées. C'est malheureux. Donc, on va les entendre à toute fin plus tard. On aura Statue Park. On va débuter avec une seule pièce pour l'instant. Voici About en 12e place anglophone. Voici Built It sur C'est fou. C'est pas mal, c'est fou. I've been told a gift should not be refused, 'cause life may be listening, and next time be less giving. I've been told that true love never seems to get in someone's way of fulfilling its dreams. I've been told. Trust your La position numéro 12, on avait sauté plus tôt dans l'émission Built It The About sur l'album Marga ou Marja, comme vous voulez. C'est sur la compilation Poulet de Neige que vous vous êtes, j'espère, bien procuré pendant les fêtes. C'est tout pour les palmarès C'est fou cette semaine. On se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h. Ça, c'est donc en direct le jeudi. On repasse le vendredi soir à 17h. Et puis finalement, les dimanches à midi. Restez sur nos ondes. Pour les gens qui écoutent le jeudi, à venir, c'est À Livre Ouvert, l'émission de littérature. Ben, tant qu'à faire, on pourrait dire ceux du vendredi. Après nous, c'est Bonnet Rouge et Sky Punka. Et le dimanche, restez là pour Raconte-moi ta ville et Brancher le monde à partir de 16h. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Tout est là, AssemblageRequis.com. On se quitte avec une autre pièce qu'on a sautée précédemment dans l'émission. C'est la 11e anglophone. C'est ma pièce chiptune préférée. Chiptune, musique de jeux vidéo. Statue Park et 1983 s'en viendra dans les quelques instants qui s'en viennent sur l'album The Cities We Plan, The Cities We Made. Mathieu Plante est mon nom. Stéphanie Paradis va être de retour la semaine prochaine. Espérons-le. Hein? Prends soin de toi, Stéphanie. À la semaine prochaine. Oh.